cirque à monter, son chapiteau de rêve pour les enfants. Petit Pierre a vu, les yeux remplis de fièvre, les éléphants. Il raconte, il y a de la musique et des éléphants, des acrobates et des éléphants, des danseuses en tupi sur des chevaux blancs. Il raconte, il y a des girafes et des éléphants, des lions, des panthères et des éléphants. Jamais, jamais je n'en avais vu avant. La nuit dans son lit, des songes le tourmentent. L'enfant rit et chante tout endormi. Petit Pierre a grandi, il a lui-même des enfants.